est le roi des fourbes. Oh ! Ma foi, voilà qui est drôle. Comment diable on saute ici par les fenêtres ? Faut que je demeure ici, que je vois à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Ah ! Mais le voilà. Monsieur, ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne ? Je ne veux le jamais voir. Mais, monsieur, pour l'amour de moi... Bon, je ne saurais rien à refuser. Dites-lui qu'il descende. Voilà votre frère qui vous attend, là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon. Parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, Da, je m'en vais lui dire. Monsieur, il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Voilà la clé, vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne pas me refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je vais le traiter. Ah, te voilà, coquin ! Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Il n'y a point de ta faute, pilier de débauche, coquin ! Va, je t'apprendrai à vivre, avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus, de lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère... Tais-toi, te dis-je. Je ne vous désoblige... Tais-toi, coquin. Que pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin, et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends, et... ils font leur accord. Mais le diable emporte, ils sont qu'un... Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Comme il baisse la vue, il voit bien qu'il a failli le pandard, l'hypocrite, comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu par plaisir, hein, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, Da. Monsieur le médecin, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Et puis, je ne saurais le souffrir auprès de moi. Monsieur, ne me refusez pas cette grâce, après toutes celles que vous m'avez faites. C'est une chose que je refuserais à tout autre qu'à vous, mais pour vous montrer que je veux tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous. Quoiqu'avec peine et veuse auparavant, qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Oui, monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus que voilà, de faire si bien désormais que vous n'auriez plus lieu de vous plaindre, vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, les voilà pas tous deux? Oh, par ma foi, il est sorcier! Monsieur, voilà la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas qu'on le vît en ma compagnie, dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et suis votre très humble serviteur. Il faut que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, si lui a pardonné, ce n'a pas été sans le bien maltraiter. Monsieur, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Où pensez-vous que soit à présent le médecin? Il s'en est allé. Et je le tiens sous mon bras. Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Cependant qu'il vous trompe, il joue la farce chez vous. Valère et votre fille sont ensemble, qui s'en vont pour tous les diables. Je suis malheureux. Mais tu seras pendu, fourbe. Coquin! Mais monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez, un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon invention que mon maître est avec votre fille. Mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là avec Vilebrequin. Voici nos amants. Nous nous jetons à vos pieds. Je vous pardonne. Je suis heureusement trompé par Sganarelle, ayant un si brave gendre. Allons tous à la noce et boire à la santé de toute la compagnie. Merci. Voilà, un peu de vin blanc là. Bon, allez. Alors évidemment. C'est court hein, quand même. C'est quand même court, c'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est un canevas en fait. Mais oui, puis elles sont jouées en diptyque en fait. Ouais. Attendez, hop, alors pardon, on va. Attends, tu peux me passer ma pièce de Molière. On va quand même trinquer à la pisseuse. Oui, à la pisseuse. Vous me direz si elle est bien chaude, comme il dit. Ah, elle est goûteuse. Elle est bonne. Non, mais c'est vrai que c'est des esquisses en fait dans les pieds volants. Oui, on sent l'esquisse que va être le malade imaginaire. C'est tiré de la Commedia dell'arte. Ouais, d'ailleurs. En fait, c'était ça. Je pense qu'il a vraiment en fait calqué. Il a pris un scénar de la Commedia dell'arte. Non, mais il y en avait énormément depuis le début du XVIIe. De toute façon, c'était le même thème, la fille malade qui trompe le père pour un mariage. Quoi. Ouais. Donc, il a adapté une Commedia dell'arte qui se jouait déjà à Paris. Il s'appelait Le médecin volant. Ouais. Et d'ailleurs pourquoi volant? Parce que moi j'avais cru que c'était parce qu'en fait on jouait deux rôles. Oui, mais c'est en fait, j'ai regardé, c'était parce qu'il y avait un système assez rudimentaire d'une poutre du théâtre avec un arceau et il passait de la fenêtre par terre et il revenait comme un ressort. Et c'est pour ça qu'on vient. Et c'était Scaramouche. Ouais, c'était. Là, on le joue pas, mais à chaque fois il est censé redescendre Sganarelle. Oui, mais dans. C'est vrai qu'en lisant, il y a un truc un peu magique en fait dans le changement qu'il a. Il saute par la fenêtre, il repasse. Mais là, c'était pas Molière, il le faisait pas. Enfin, c'est Scaramouche qui le faisait. Ah, c'est pas Molière non, qui jouait ça. Non, il jouait Sganarelle, mais il l'a adapté en faisant un peu comme dans Georges Dandin, la fenêtre, la porte, la fenêtre, la porte. Mais Scaramouche, c'était un vrai acteur? C'est un acteur d'art. Je pensais que c'était un personnage de. Un personnage, oui. Puis c'était un acteur magnifique, il paraît. Et Sganarelle, ça veut dire. Ça veut dire. C'est celui qui se trompe lui-même. Voilà, c'est ça. Ah, d'ailleurs, tiens, tu sais ce que ça veut dire, Vilebrequin? Pourquoi il a appelé, en fait, le prétendant, enfin, celui qui doit se marier avec Lucille? C'est quoi pour toi, un Vilebrequin? Ouais, c'est quoi? C'est une marque de maillot. Non, en fait, tu sais, c'est. Comment t'expliquer? C'est une perceuse manuelle qui fait des trous. Oui, une donc voilà, Vilebrequin. Tu comprends? Oui, c'est un non. Peu. Ok, bon. C'est pas qu'il a vu le sous-entendu. Ah, ben bien sûr, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire. Et tous les Ladji, d'ailleurs, étaient à la limite. Il fait plein de références. Il fait la référence au Cid. Quand il dit Rodrigue. Oui, mais là, c'était le tube de l'époque. Oui, c'était le tube de l'époque. Je trouve ce qui est beau, c'est que Sganarelle, celui qui se trompe, en fait, c'est le héros de l'histoire. Et puis aussi d'un côté, Valère, c'est pas malheureux, mais il est. Mais c'est un prétexte pour la virtuosité d'un acteur. Ouais. Oui, bien sûr. Ça. Et moi, c'est ce qui me plaisait le plus dans cette pièce, c'était que celui dont on dit qu'il est débile faire preuve d'un feu d'artifice, d'intelligence, et qui va se surpasser parce qu'à un moment donné, on lui donne la confiance et que du coup. Il va voler. Ouais, c'est un très beau personnage. En fait, quand je me souvenais plus du tout de la pièce. Hein, en fait, je l'avais vu jouer, mais il y a très longtemps, quand ça avait été mis en scène par Dario Fo. Tu l'avais vu? Ouais, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs donc, de ça. Ça c'était en 1980, je crois. Bah, ça devait être chouette. Non, j'ai pas vu alors. Ah, pardon. Tu confonds. Non, c'est un peu plus tard. Et non, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, en relisant la pièce, ça me rappelait, en fait, j'ai créé plus tard le malade imaginaire qu'avait monté Claude Strasse. Et puis, il y avait donc Catherine Yégel qui avait créé le rôle, qui jouait Toinette. Et elle avait trouvé ce truc génial de boire en fait l'urine du malade. Et je me disais mais c'est génial, comment elle a pu penser à ça, etc. Et en fait, elle avait joué les deux pièces de Dario Fo. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait trouvé, d'ailleurs, ce qui est aussi génial d'ailleurs de reprendre ça, mais elle avait trouvé en fait l'inspiration là-dedans, dans cette pièce-là. Ah oui, mais là, parce que c'est pas du tout écrit dans le malade. C'était un clin d'œil au public parce que la servante, évidemment, faisait un gros clin d'œil au public en disant les comédiens ne boivent pas de l'urine, c'était du vin. Ah oui, c'est pour ça que c'est vraiment ça. C'était un des lazzi de l'époque. Moi, ça me fait assez rire, le rhin, quand même. C'est toujours la comédia dell'arte. Moi aussi, je trouve ça très drôle qu'ils boivent vraiment du pipi. Ouais. C'est pas de la dentelle de Bruges, quand même. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que en fait, je me demande pourquoi t'as choisi en fait, de prendre une femme, par exemple, pour jouer ce Sganarelle. Bah déjà, j'ai choisi deux femmes pour jouer trois hommes. Absolument. Parce que sinon, si on attend de... Si on donne les bons sexes au bon rôle, on n'est pas forcément toujours très gâtés. Ouais. Et puis, je trouve que ça apporte quelque chose. J'aurais du mal à poser des mots dessus, mais je trouve qu'une actrice amène forcément quelque chose de différent. J'aurais du mal à dire quoi, mais quelque chose qui m'intéresse. De l'ordre d'une grâce féminine, désolée, mais après... Désolée, et non, mais c'est formidable avec des hommes aussi. Et puis, c'est vrai que, voilà, moi, j'aime bien travailler avec les actrices aussi. Et puis, je trouve qu'on n'est pas assez servi dans le répertoire aussi, tout simplement. C'est une demande officielle. Moi, je pense que les metteurs en scène devraient... Je pense qu'on est très sage avec. Pour moi, au théâtre, on n'a pas d'âge, on n'a pas de sexe, on n'a pas. On peut avoir, Château a joué Hamlet, il n'en avait plus l'âge du tout, il était extraordinaire dans le rôle, ou Anne Alvaro. Pour moi, c'est vraiment un truc important, ça, et je trouve qu'au cinéma, c'est très... Et que le théâtre permet ça, et je trouve ça beau. C'est vrai que dans les personnages de Molière, en fait, on se rend compte que souvent les femmes servent le propos du héros. Ouais. Masculins, elles viennent alimenter des scènes qui vont servir l'évolution des personnages masculins. C'est vrai que ça se ressent. Et évidemment, d'aborder un personnage masculin quand on est une femme, on se dit « Ah bah oui, il y a plus de latitude », c'est-à-dire il y a une continuité, ce qui n'est pas toujours le cas quand on incarne les figures très marquées, pas clichées, mais quand même relativement. Mais c'est vrai qu'elles n'ont jamais le dernier mot. C'est un personnage magnifique, angélique, mais elle n'a pas le dernier mot. Le fait que tu lises, en fait, Sganarelle, c'est marrant, moi, ça m'a rappelé beaucoup Toinette, en fait. Tu vois, cette espèce de femme, en fait, qui prend, tu vois, le... Mais ça, le médecin Bollard, c'est par la ruse et par l'intelligence. C'est comme s'il avait fait son premier jet pour après écrire une maladie imaginaire, comme avec la jalousie barbouillée, qui est aussi une des petites pièces qu'on montre souvent, d'ailleurs, en parallèle avec celle-ci, qui étaient les prémices du Dandin. Ça a été édité, d'ailleurs, après sa mort, toutes les dizaines de pièces. Parce qu'en fait, je crois que c'est... Il l'a pas mis dans ses œuvres. Ces pièces, en fait, là, qui étaient... D'ailleurs, c'est des pièces de jeunesse. Je crois qu'il n'avait pas, eu le temps, plus tard, en fait, quand il a commencé à faire éditer ses œuvres, de les, revoir. Oui, mais il ne les avait pas fait éditer parce que c'était des choses farces. Des farces. Et puis surtout, il n'avait pas eu le temps de les réécrire. Après, il s'était penché beaucoup plus sur l'écriture des grandes pièces qu'il y a eu après. Je crois qu'il y a eu le succès des Précieuses Ridicules que tu joues. Et en fait, qu'il a vraiment été un tel tabac qu'il s'est empressé, pour ne pas qu'on lui pique, de faire publier. Et c'est après, en fait, qu'il a publié ses grandes œuvres parce qu'il voulait vraiment s'intéresser en fait, à changer les gens, et puis surtout, il voulait faire de la littérature aussi. Donc du coup, c'est des œuvres comme ça, en fait, qui ont été publiées plus tard ou pas publiées, très peu. D'accord. Ouais. Tu es un peu trop renseignée. Est-ce que tu es amie avec Molière? Mais bien sûr. Attends, tu viens d'arriver, mais tu as quelques années pour t'imprimer. C'était Jouvet qui disait « Allô, allô, Poquelin 0001 ne répond plus. » C'est vrai? Ouais. Mais elle est chouette, cette pièce, en même temps. Je trouve qu'il est assez fou. Il pose les enjeux en trois lignes. Mmh. Et ouais. Après, c'est que du plaisir de jeu, quoi. Oui, c'est que une jubilation d'acteur. C'est l'occasion pour la virtuosité d'un acteur. C'est formidable. Pourquoi t'as choisi le noir et blanc? Je trouve que... Déjà, je trouve que ça évoquait un peu des choses assez impressionnistes, assez dessinées, même, même dans ce que tu fais dans Sganarelle, où, tu vois, ça évoque Chaplin, ça m'évoque le cinéma muet. Max Linder. Et puis voilà, en fait, j'ai d'abord eu l'idée de ces costumes en noir et blanc, et après, on a eu l'idée du noir et blanc. Mmh. Et... Après, on est en couleur, là? Ça va? On est en couleur? Je ne sais pas si on est retourné en couleur. On est en couleur? Alors? Mais en tout cas, on sent que c'est des pièces qui doivent se jouer avec du rythme. Mais c'est en même temps, c'est hyper précis, c'est hyper dur. C'est une action, une phrase. Moi, je me dis, en même temps, c'est des pièces de Lazzi. En fait, tu sens bien qu'il y a la latitude pour pouvoir improviser, faire des trucs. Galimatien, c'est toujours... Mais on ne sait plus trop faire ça, en même temps. Non, c'est vrai. On ne se permet plus trop ça, en tout cas. C'est des pièces d'acteurs. C'est vrai que Dario Fo, du coup, lui, c'était un spécialiste un peu de ça, en fait. Il avait un peu la tradition italienne, encore. Ah oui, forcément. Alors, François, si tu as aimé cette pièce, jouer ce rôle? C'est hyper intéressant. Oui, avec vous... Non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que je me dis, c'est beau de pouvoir aborder une partition masculine chez Molière. J'avais encore eu jamais l'occasion de jouer un personnage masculin chez Molière. Et je me dis, oui, c'est assez jubilatoire. Évidemment, ici, c'est l'exercice de la lecture, donc il y a ses limites. Mais je me dis que c'est aussi un personnage que je sens très physique. Évidemment, là, Harlequin. Oui, et qu'il y a quelque chose chez Sganarelle qui est dans son corps, dans cette manière de passer d'un personnage à l'autre. Et en même temps, c'est vrai que ce n'est pas une grande pièce. Et en même temps, on trouve pourtant déjà l'écriture de Molière, son écriture, son style, mais en plus petit. Et voilà, je pense que le malade est plus intéressante. Mais... Moi, je trouve que c'est mieux écrit. Les pièces qui viennent après sont plus intéressantes. C'est une pièce d'acteur. C'est le plaisir de l'acteur. De jouer, complètement. Et le public?